Je suis fait comme un rat. 5 x 50 centimes, j'entre dans la cabine. Odeur de tabac froid, je m'éclaire si la voix trouvait des mots d'amant. Pendant 5 demi-francs, 2 francs 50 à peine. Pour te dire que je t'aime. Graffiti me surprennent, tendre, amer ou obscène. Grand appel au secours, déclaration d'amour. J'avoue, j'ai un peu peur. Allez, j'avoue, prends par cœur. Je me meurs loin de toi. Non, ça fait cinéma. 2 francs 50 à peine. Te dire que je t'aime. J'introduis ma seule pièce dans cette. Faut bien trouver les mots, pas se bourrer.